C'est tout comme. C'est tout comme électronique, publicitaire, journalistique, médiatique. Bienvenue dans votre espace média au quotidien. Bonjour Lina. Bonjour Malia. Lina, la petite fouineuse du net et de la toile. Et il faut dire qu'en ce moment, il y a de quoi fouiner. Il y a de quoi faire sur la toile. C'est un véritable océan d'informations où on peut surfer sur des milliers de vidéos, de commentaires, on peut aller sur des blogs. Bref, on a tout ce qu'on veut sur la toile. Je me rappelle d'une émission où on parlait du choix des couleurs de certains sites. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'unanimité est au vert actuellement. Absolument, on voit la vie en vert. Alors, des sites qui s'intéressent à l'Algérie, TASA, Algérie Focus, Alger 84 ou Algérie 360, eux ont diffusé en direct le match qui opposait l'Algérie à l'Égypte et on compte évidemment sur eux, sur la toile, sur le net, pour en faire de même dès mercredi prochain. Certainement. Alors, on sait que le match sera à 18h30 heure algérienne. Et évidemment, Alger Chaîne 3 est là pour vous servir. On s'intéresse sur ce qui se passe sur la toile. Et bien, nous avons au téléphone Faisal Ansar. Bonjour, monsieur Faisal Ansar. Bonjour, bonjour, merci. Vous êtes à la tête de Algérie Focus. C'est un site qui, comme son nom l'indique, eh bien, zoom sur toute l'actualité algérienne. Première question, avez-vous diffusé en direct le match de foot? Oui, effectivement, on a diffusé en fait en direct sur le site et sur le site d'un partenaire aussi. Donc, il y avait deux possibilités de voir le match en direct sur Internet. Alors, Faisal Ansar, vous avez une foule d'informations, notamment pour ce qui est de l'actualité footballistique. On sait que très nombreux ont été les internautes à réagir, non seulement par écrit, mais par image interposée, en mettant sur la toile un bon nombre d'informations. Comment, lorsqu'on est à la tête d'un site, Algérie Focus, pour ce qui vous concerne, on fait le tri? Est-ce qu'on vérifie l'information? Est-ce qu'on se méfie des images montées? Comment vous travaillez? Écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu cette difficulté. On a eu cette difficulté que on a eu une foule d'informations effectivement parce qu'il y avait des supporters, des vidéoblogueurs algériens qui étaient présents sur le site, au Caire, au Caire en fait pendant le match qui a opposé les deux équipes et ils ont été les premiers à avoir donné l'information de l'agression des joueurs algériens, oui. Et donc il y avait des images, donc il fallait vraiment attendre, essayer de dans notre cas en fait on attendait en fait qu'il y ait des informations venant de l'UNTV en fait, les journalistes de la chaîne algérienne sur place, mais il n'y a pas eu d'image, donc on a eu cette fallait prendre une décision, soit donner l'information, soit ne pas la donner, mais comme il y avait des images, on voyait des joueurs en son et tout, donc les images parlaient d'eux-mêmes, donc on a repris l'information, mais il y avait d'autres informations qu'on a en fait on était obligé de parler au conditionnel en attendant confirmation par ailleurs, soit par les agences de presse comme l'AFP ou l'APS, mais c'est surtout l'AFP. Après il y a eu heureusement la présence du journaliste, du correspondant de Canal Plus qui avait suivi en fait, l'équipe nationale pendant le 6 jours. En fait, Canal Plus prépare un documentaire là-dessus, donc c'est ce qui explique la présence de ce journaliste constamment avec eux. Voilà, ils ont passé carrément un documentaire sur ce qui s'est passé. En fait, ils ont fait le tour, ils parlent carrément de pièges. Mais donc voilà, donc il y a eu les images d'un journaliste professionnel d'une chaîne respectable française. Alors, confirmé par la suite, effectivement, qu'il y a eu agression. Voilà. Donc il y a un véritable travail journalistique, vous ne balancez pas d'emblée sur votre site tout ce que vous recevez. Alors Faisal Ansar, vous avez également déclaré que vous vous appuyez sur un réseau de journalistes. Alors ces journalistes, c'est des journalistes que vous envoyez sur le terrain ou d'autres amis ou réseaux En fait, on n'a pas les moyens d'envoyer un correspondant sur place, mais effectivement on a un réseau de journalistes qui, quand on a une information, effectivement, moi je contacte les journalistes qui sont soit sur Alger, soit un peu partout et qui ont des contacts à leur tour. Et donc, ils nous confirment ou ils nous infirment l'information. Donc, avant de la balancer, bien sûr, je consulte les journalistes avec qui je suis en contact pour ne pas faire, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui a été diffusées. Les gens, ils ont filmé ce qui s'est passé avec des portables. Mais après, bon, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est justement, je m'attendais qu'il y ait des images filmées par notre chaîne, par nos journalistes sur place. Ça s'est passé, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme problème sur place, mais il n'y a pas eu d'image par le journaliste, le correspondant. Tout à l'heure, on verra un petit peu avec notre correspondant sur place comment ça s'est passé, puisque les journalistes ont été particulièrement malmenés. Ceci explique certainement cela. Mais dites-moi, Ansar Faisal, pour ce qui est d'apport d'informations que vous recevez, il y a sur la toile un fabuleux élan de solidarité pro-vert, émanant de personnes qui ne sont pas algériennes. Hein. Bah oui, il y a c'est, effectivement, en fait, ils ont pas attendu ce acte dramatique, en fait, d'agression de l'équipe algérienne des Fenech et aussi des supporters algériens qui ont fait le déplacement au Caire. Mm-hmm. En fait, il y a déjà un grand élan de solidarité qui s'est installé avant le match. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi la solidarité, mais on a basculé un peu après dans la violence. Et ça, ça a été alimenté à ce que j'ai observé, ce que j'ai pu lire et voir sur la toile. Et par ailleurs, en fait, ce que j'ai vu, qu'il y a certains médias, il y a certains titres de la presse arabe en Algérie, et il y a d'autres médias en Égypte, qui ont alimenté un certain... En fait, ils ont soufflé sur les braises autour d'un match qui était déjà explosif. Oui. Donc ça a fait en sorte que... Ça a fait en sorte que ça en fait ça a chauffé à blanc les supporters et égyptiens et algériens sur la toile, et après on est passé de du patriotisme à autre chose, on est passé du foot à autre chose, donc on a vu maintenant l'affaire est devenue une affaire d'État. Donc en fait vous sur Algérie Focus vous faites en sorte de ne pas plonger tête baissée dans le sensationnel. Non, justement, je suis en train de dénoncer ça parce que pour vendre du papier, j'avais une d'un journal arabophone algérien. Avant le match, ils publient une photo avec deux joueurs de l'équipe nationale en tri avec des armes à la main. Donc là, on n'est plus dans le foot. Là, c'est carrément, on est en train de... On part en guerre, quoi. Voilà, c'est la guerre. Et c'est pas fait ça. Les gens, facilement, ils sont pas... Tout le monde n'a pas ce recul. En plus, ils ont une passion... ils sont entre guillemets fanatiques de foot, et encore on les alimente et on entretient cette en fait on est passé du foot à autre chose, à la guerre. Quand il y a des armes et tout, c'est la guerre là, c'est clair, on n'est plus dans le journalisme. Voilà, il faut rester dans le journalisme et surtout dans la sportivité, c'est votre... Voilà, dans l'esprit sportif, il est passé, en fait on l'a escamoté, on est carrément passé à la guerre, des discours de guerre. Ça, c'est pour vendre le papier, faire du sensationnel. Et idem du côté égyptien, quand il y a un grand animateur qui traite l'Algérie de microbes, là aussi, on n'est plus dans l'esprit sportif. Et il faut se méfier des microbes, vous savez, c'est microscopique et ça peut abattre un éléphant. Donc, merci beaucoup, Faisal Ansar, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à la tête d'Algérie Focus. Un dernier mot, peut-être? Oui, mais écoute, je préfère qu'on mette les gens devant leurs responsabilités. Moi, je parle de certains médias algériens et égyptiens, la FIFA entre autres. Moi, j'étais pour qu'on reporte ce match qui se joue pas au Caire. Oui, mais on nous a pas entendu, hein. Ça c'est pas fait. Et puis maintenant, j'espère que les gens vont être mis devant leurs responsabilités. Les gens qui ont alimenté justement une certaine haine et une certaine violence autour d'un match de foot qui est censé se jouer dans la joie et dans l'esprit sportif. Voilà. Donc on rappelle quand même, Faisal Ansar, que vous allez diffuser en direct le prochain match qui se jouera donc à Khartoum le 18. Ça sera 18h30. Pour ceux qui n'ont pas de télévision et qui ont le net, c'est le moment ou jamais de vous brancher. Merci beaucoup. Enfin, à très bientôt. C'est tout comme la com dans tous ses états, c'est sur Alger Chaîne 3. Alors Lina, il y a de tout sur la toile. Ce qu'il y a sûr, c'est qu'on a l'information immédiate. Il y a aussi du n'importe quoi. Il y a aussi des informations qui sont traitées. On a dit qu'il y a plusieurs sites algériens qui ont quand même fait, tout comme vient de dire Faisal Ansar, un petit peu le tri dans tout ça, en prenant le temps quand même de vérifier des informations, en mettant sur la toile des images, en ayant quand même mis des petites annotations en disant que ceci n'engage que la personne qui l'a mis sur le site, etc. Mais il y a aussi un fabuleux élan sur la toile qui nous fait chaud au cœur. Oui, un fabuleux élan. On voit déjà que les sites de partage de vidéos tels que YouTube diffusent tous les jours des milliers de vidéos sur les supporters des Verts, tantôt sur les joueurs, tantôt sur les interviews des joueurs, tantôt sur des reportages faits par des télévisions étrangères, notamment Canal+, sur justement les Verts. Et aussi et surtout, la vidéo de l'abominable agression des Verts a été vue plus de 500 000 fois sur Internet. Plus de 500 000 fois par les supporters algériens. Et chacun y va de son commentaire, chacun laisse des commentaires. En général, ces commentaires vont tous dans le sens du soutien envers les Verts. Alors, on a essayé de joindre le journaliste qui est donc à Canal+, et qui suit toujours d'ailleurs les Verts. Apparemment, il est hors champ. Mais le plus grand élan de solidarité, on l'a vu sur les sites sociaux. Facebook, pour ne citer que celui-là, s'est fait réellement le porte-parole des supporters algériens. Donc, c'est assez impressionnant. Ils ont été quelque part les seconds commentateurs du match. Parce que pendant le match, certains qui étaient au Caire, qui diffusaient des commentaires par le Caire, à partir du Caire sur leur Facebook, voilà, c'était ambiance magnifique, vive les Verts, on est avec vous. On a aussi justement ces supporters-là qui nous montrent des photos tout de suite. La photo a été prise au Caire et ils la partagent avec leurs milliers d'amis sur la toile. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que la toile, c'est de l'immédiat, c'est du rapide, c'est de l'accessible. Il y a aussi la presse nationale aujourd'hui qui a quand même soulevé des choses assez intéressantes. Ah oui, petite revue de presse. Le mot d'ordre de ce lundi 16 novembre, c'est tous à Khartoum. C'est clair, on veut tous y aller. Les vols sont prévus, 30 vols sont prévus et 7500 places au stade pour les supporters algériens, selon Chab, qui va parler de cette masse humaine qui va vers les agences de voyage pour avoir son billet. Le billet donc est à 20 000 dinars, selon tous les quotidiens qu'on a pu lire. Les Verts, tenez bon, les renforts arrivent. Et c'est le titre de la Nouvelle République. C'est mon préféré, je crois. Pour le mien aussi. Et la Nouvelle République prévoit qu'un nombre très important d'Algériens se rendra à Khartoum pour soutenir l'équipe nationale. Et le soutien, elle en a besoin plus que jamais, je pense. Les agences de voyage un peu partout dans le pays, prises d'assaut. Les quotidiens parlent d'un pont aérien entre l'Algérie et le Soudan. Dans un petit moment, on va parler également de toutes les déclinaisons économiques de ce fabuleux événement. 9h45. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie.